Je peux vous entendre, les musiciens ce soir. présentation. À la basse, ça s'appelle Sharon. Vous pouvez l'applaudir, oui, vous pouvez. Là, salut Rémi. Inspiration. On va attendre. l'ai calé direct. J'arrive pas à le faire, la fin. groove là. Allez, c'est bon ça. Thank you. Mm-hmm.